Avoir raison avec Jean Kelevitch. Aujourd'hui, pour commencer, le courage, ce saut dans le vide qui est toujours un commencement. Avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, enseignante à l'American University of Paris et titulaire de la chaire de philosophie de l'Hôtel-Dieu, et Robert Maggiori, ancien élève de Jean Kelevitch, cofondateur des Rencontres philosophiques de Monaco et journaliste à Libération. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas ? C'est pas fait pour qu'on en parle. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Bonjour Robert Maggiori. Bonjour. Jean Kelevitch est né en 1903, mort en 1985. Héritier du philosophe Bergson, il pense la vie en devenir, sans cesse changeante, sans cesse fuyante. Il a vécu 82 ans, mais conçoit l'existence comme un instant fugace. Une mélodie éphémère, dit-il, qui sans cesse nous échappe, et passe sa vie à essayer de nommer ce rapport au temps qui passe, ce temps que l'on ne peut pas arrêter, mais aussi la possibilité que nous avons d'agir quand même, que ce soit de tomber amoureux, de pardonner, de jouer de la musique, d'être vertueux. Or, pour agir, et donc pour vivre, il faut du courage. Il en faut beaucoup même, non, Cynthia Fleury ? Oui, il en faut beaucoup. Et Jean Kelevitch, effectivement, c'était très intéressant parce qu'on pourrait penser que la, voilà, on décide d'avoir du courage et puis ça lance une action. En fait, enfin, une des manières de voir les choses chez Jean Kelevitch, c'est précisément l'inverse. C'est-à-dire, c'est le courage qui vous donne votre sujet. Et donc, là, on a, c'est ce qu'il a appelé le cogito du courage. Et on vérifie. C'est pour ça que quand vous avez dit tout à l'heure la possibilité d'agir, c'est même peut-être un peu plus, et Robert Maggiori dira peut-être les choses différemment, mais c'est presque la responsabilité d'agir. C'est-à-dire que l'instant est fugace, mais la grâce est à construire par une certaine manière d'être au monde pour que précisément quelque chose advienne. Que c'est un devoir, nous devons agir. Je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'une éthique essentielle chez Jean Kelevitch, d'un engagement, d'une implication, parce que cette implication, elle est bien évidemment importante pour la question du monde commun, mais elle est importante pour le sujet, c'est-à-dire que le sujet ne surgit que par cette implication au monde. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ressenti Jean Kelevitch. Robert Maggiori. Oui, le courage fait partie de ces vertus dont Jean Kelevitch a fait son objet privilégié de recherche. Et c'est très intéressant, le courage, parce qu'il est comme toutes les vertus, il n'est presque pas. C'est-à-dire que le courage n'existe pas, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le courage. Le courage advient au moment où se fait l'action. D'ailleurs, le courage est une vertu de celui qui n'en a pas. On ne peut pas dire « j'ai du courage », de la même manière qu'on ne dit pas « je suis modeste », parce que ça se détruit à l'instant même où je le dis. Il parlait, lui, de cette la façade des matamores, de ceux qui gonflent le torse. Mais ça, c'est des paillasses, c'est des ridicules. Il dit la conscience que nous prenons de notre courage le défigure. Elle peut en faire un courage de matamore, c'est-à-dire une caricature. Mais en ce cas, nous ne demeurons pas moins courageux, malgré nos fanfaronnades, car un bouffon peut être héroïque par vanité. Il dénonce celui bien qui sûr, se voit courageux, bien mais sûr, il dit il reste courageux. Sûr. Mais c'est très simple. Enfin, je connais mes textes, parce que Jean Kelevitch. Ça, c'est dans quelque part dans les nages. Encore, vous connaissez la les textes, voix vous connaissez. Kelevitch vous avez étudié dans donc la avec texte. Jean Kelevitch. Ouais, j'étais son étudiant, oui, j'étais son doctorant. Je faisais mon doctorat avec lui, que j'ai arrêté quand il est mort, parce que ça, pour moi. En 85. C'était donc. Juste pour lui, quoi, que je faisais ça sur la pauvreté chez les cyniques grecs et saint François d'Assise. Mais là, pour revenir au courage, il y a quelque chose... Celui, je sais pas, il y a un enfant qui est en danger dans un fleuve. Je veux dire, celui qui est maître nageur et qui sait parfaitement nager et qui plonge, ben, il n'est pas vraiment courageux. Alors que celui qui sait à peine nager et qui n'écoute personne et qui immédiatement plonge, il fait advenir le courage au moment où il plonge, alors qu'il ne sait même pas nager et qu'il avait peur. Autrement dit, pour être courageux, il faut avoir très très peur. Cynthia Fleury, alors vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « La fin du courage », publié chez Fayard, dans lequel vous faites le constat d'une perte du courage à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle. Alors vous avez cette très belle formule « j'ai perdu mon courage comme on égare ses lunettes hein, », je crois que c'est à peu près la citation exacte. C'est dire combien le courage est fragile, et chez Jean Kelevitch, c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête. Robert Maggiori disait « on ne peut pas vraiment définir ce qu'est le courage, il advient ». Le courage, c'est un millième de seconde, c'est le moment où on décide d'agir, et rien ne précède cette décision, et ce qui s'ensuit est inconnu. Jean Kelevitch disait le seuil inaugural de la décision, et les courageux sont des commençants, hein, comme les justes d'ailleurs, les justes sont des commençants, et toute la problématique pour un sujet, c'est bien évidemment de commencer, de recommencer. autre maxime dure, mais qui est une maxime morale chez Jean Kalevitch, ce qui est fait reste à faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été courageux une fois qu'on est tranquille et qu'on va pouvoir s'asseoir dessus, capitaliser dessus. Pas du tout. C'est quelque chose de vitaliste, hein. C'est quelque chose qui vient, un souffle comme ça qu'il faut aller sans cesse chercher. Et en même temps, encore une fois, avec les questions de matamore, de posture. Voilà, quelqu'un qui a toute sa vie décrypter et casser les postures pour essayer précisément de définir ce qu'il appelait le je ne sais quoi et le presque rien, c'est-à-dire quelque chose qui est là et qui fait que notre sujet peut surgir, mais quand tout d'un coup on essaye de le définir, ça s'échappe, ça disparaît, et c'est cette phénoménologie qui est très particulière chez Jean Kalevitch. C'est-à-dire une manière de décrire ce qui est sans vouloir prétendre savoir, de voilà, connaître l'essence des choses. Exactement. Il a toujours cette humilité, si vous voulez, d'utiliser l'écriture pour aller chercher comme ça au plus près. C'est tellement précis. Et en même temps, il ne viendra pas dire voilà l'essence des choses. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Et donc, c'est très intéressant parce que quand vous lisez Jean Kalevitch, en tout cas moi, je me mettais comme ça. J'étais jeune étudiante quand j'ai rencontré l'œuvre de Jean Kalevitch. C'était avant ma thèse. Et tout d'un coup, on avait le sentiment de voir la pensée en acte. Tout simplement, de voir l'écriture en acte, de voir la construction d'un sujet en acte, et donc, hop, comme ça, de se dire, mon Dieu, dans ce compagnonnage, je vais pouvoir moi-même grandir, apprendre, penser. C'est vraiment ce qu'il a d'unique, hein, Vladimir Jean Kalevitch. Je disais que c'est l'héritier de Bergson avec lequel il a correspondu. Il partage cette même vision de l'existence comme étant en devenir, hein, toujours dans un élan dynamique et sans cesse mobile. Mais ce que fait Jean Kalevitch dans ses écrits, et Dieu sait s'il a beaucoup écrit, Robert Maggiori, il est le seul à le faire. En tout cas, c'était le premier à le faire, n'est-ce pas? Oui. Il a beaucoup écrit. Moi, je continue à penser qu'il est très peu lu encore. Je veux dire que les interprétations, les commentaires qui existent aujourd'hui, qui commencent à se multiplier dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, sont absolument minimes par rapport à cette carrière immense où il y a des tas de pierres précieuses qui sont encore inexploitées chez Jean Kalevitch. Rappelons peut-être sa carrière. Hein. Il fait ses études à l'École normale supérieure, ouais. Il est agrégé de philosophie, ouais. Il enseigne à Caen, à Lille, voilà. À Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale. Où il va être démis de ses fonctions, sous les lois antisémites. Surtout à la Sorbonne. Je veux dire, à la Sorbonne, c'était le maître. Il aurait détesté ce mot parce que c'était justement pas un maître. Mais c'est celui qui vous entraînait dans un sillage vaporeux, quoi. Les cours de Jean Kalevitch, c'était un événement même. Moi, comme prof, il m'a beaucoup appris, notamment le truc qui consiste à parler tout doucement en début de cours. Et lui, il était au fond de l'amphi. Il avait un petit papier écrit avec son encre bleue. Mais le papier, ça doit être la moitié d'un paquet de cigarettes, où il avait écrit je sais pas quoi, il pouvait pas le lire d'ailleurs. Donc, il avait une écriture très menue. Voilà, hein. Très menue, avec une encre bleue qui était toujours la même, toutes les lettres que j'ai, c'est toujours la même encre. Et il commençait à parler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et du coup, il y avait un silence qui s'installait dans l'amphi. Et puis ensuite, il, avec sa mèche qui tombait sur les cheveux, il ramassait sa mèche, il s'enflammait. Jusqu'à des phases quasiment extatiques, quoi, parce que quand il commençait à citer du grec pendant 10 minutes et que nous on était là perdus, paumés, on savait pas quoi écrire, et il s'envolait, et c'était vraiment la pensée qui était en vol. Parce que chez Jean Kalevitch, rien ne s'arrête. C'est-à-dire que chez Jean Kalevitch, il n'y a pas de pause. Par exemple, Cynthia parlait tout à l'heure du courage. Le courage, à la limite, je ne sais jamais ce que c'est, parce qu'il n'y a jamais conscience du bien. La morale de Jean Kalevitch n'est pas une morale légaliste, c'est une morale qui ne se voit presque pas, et dont on se rend compte que par le mal, c'est-à-dire par la force du remords. Je ne puis pas dire « je suis heureux d'avoir bien agi », parce que, et Cynthia le rappelait, parce que c'est à moi de le faire, et le bien que j'ai fait, je dois le refaire. Je ne suis jamais quitte du bien que j'ai fait. Mais le mal que j'ai fait, il suffit de l'avoir fait une fois, pour l'avoir fait toujours. Du coup, je ne peux pas être content du bien, mais je sais que j'ai fait le mal. Il n'y a pas de signe du bien, mais il y a un signe du mal, qui s'appelle le remords. Ce qui fait que c'est à la fois une pensée extrêmement exigeante, hein, moralement très exigeante. Il a écrit un traité des vertus, où il fait la liste de nombreuses vertus, sur lesquelles on va revenir cette semaine notamment. Et en même temps, c'est un penseur de la temporalité dans l'occasion, des situations qui font qu'il n'est pas si simple d'agir moralement que ce que la philosophie pourrait dire. Voilà, on peut pas nommer le bien, on sait ce qu'il faut agir pour savoir. Alors, vous parlez de ses cours, Robert Maggiori, de sa voix indescriptible, on va entendre quand même un extrait extraits de sa voix, parce que une fois qu'on entend sa voix, quand on lit Jankélévitch, on l'entend, en train d'écrire. Absolument. Et sa voix elle-même est tellement à la fois mélodieuse et entraînante. Voici un extrait ici des entretiens avec Jankélévitch, donc du 30 décembre 71 sur France Culture. Il parle du courage. Et écoutez l'exemple qu'il prend, parce que là aussi, c'est une chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est quelqu'un qui est aussi bourré d'humour. Pour être fidèle, il faut du courage. Pour être courageux, il n'est pas nécessaire d'être fidèle, ça c'est vrai. Mais par contre, la fidélité elle-même elle implique un courage, un recommencement de courage. Le courage est un commencement. Mais l'homme commence tout le temps, n'est-ce pas? Il recommence tout le temps. Et quelqu'un qui affronte une mégère, par exemple, quand par hasard il a eu le malheur d'épouser une mégère, et il lui faut un courage de tous les instants pour lui sourire, pour affronter cette mégère. Ça peut arriver. Donc, la fidélité elle-même, qui implique la tension, n'est-ce pas, T-E-N-S, la tension de la volonté, ne peut pas être séparée du courage. Alors Jankélévitch est quand même quelqu'un, on l'a dit rapidement, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été victime de lois antisémites qui ont conduit à sa révocation en tant qu'enseignant de philosophie, qui est entré dans la résistance, qui a donc beaucoup de choses à dire sur le courage comme engagement, le courage politique, et qui prend quand même comme exemple quelque chose d'absolument trivial, légèrement sexiste, on va le dire quand même, oui, qui consiste à décrire ce que cet homme qui a épousé une mégère doit endurer comme difficulté, comme douleur tout au long de son existence, et qu'il faut bien du courage dans le long terme. Ici, c'est différent de ce qu'on disait avant, le courage n'est pas simplement une occasion, un saut, c'est sur le long terme, courage et fidélité, dit-il, hein, Cynthia Fleury. C'est une fidélité, c'est une endurance. C'est un rapport, encore une fois, qualitatif à tous les instants. Et alors, c'est vrai que c'est toujours très oxymorique, très paradoxal. Paradoxal, ça c'est vrai. C'est un mot essentiel, de toute façon, chez Jankélévitch, parce qu'il y a une immense humilité, il y a une immense conscience de la quotidienneté et de la valeur de cette quotidienneté pour construire un être. C'est pas du tout quelqu'un qui disqualifie le quotidien. Hein. Le trivial n'est jamais trivial, en fait. Il est une manière d'être au monde. Et en même temps, il y a cette exigence, parce que, encore une fois, et ses textes parlent pour lui, et puis ses engagements, la résistance, ses textes sur le pardon, etc., montrent à quel point il y a une blessure au cœur qui est immense et qui fait que, il y a des enjeux derrière. Il y a le réel de la mort, quand même. C'est quoi la blessure ? Bah, la blessure, c'est de fait une blessure collective qui est celle de la question de la résistance, qui est celle d'Auschwitz, qui est celle de ce qu'a traversé l'humain et de ce qu'a produit la barbarie. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui parle du printemps et de la connaissance matutinale ou ces genres de choses qu'il n'a pas le réel de la mort en face. C'est quoi la connaissance matutinale? Je peux pas vous poser la question. Non, mais c'est on cette peut instance. Lire en une phrase, voilà. Ne ratez pas votre matinée de printemps. Exactement. C'est ce qu'il aimait à dire à ses étudiants, par exemple. Ce qui veut tout dire. Ne ratez pas votre matinée de printemps, c'est pas un conseil comme ça, fleuri. Voilà. Je veux dire que l'occasion qui passe, le kairos, il faut la saisir quand elle passe. Après, c'est trop tard. Après, il n'y a plus, justement, que le remords. Mais de même que le printemps, il revient tout le temps. Nous, des printemps, il y en a tous les jours. Et nous en ratons beaucoup. Alors, ça peut être peu de choses. Je peux rater la petite fleur, je peux rater la couleur de telle rose. Mais des fois, des occasions sont des occasions historiques, des occasions politiques, et je ne peux pas dire « je m'engagerai demain ». L'engagement, quand il s'agit d'aller dans la résistance, il faut y aller tout de suite. C'est à moi de le faire, tout de suite ou jamais, disait-il. D'ailleurs, avoir raison avec Jankélévitch, ça veut sans doute dire donner tort à Sartre pour la question de l'engagement, parce que Jankélévitch était sans pitié quant à la position sartrienne qui consistait à dire « nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation ». En clair, continuons à penser, continuons à philosopher, parce que c'est l'exercice de notre liberté sous l'occupation. Jankélévitch dit « mais pas du tout ». Lui qui accordait un prix immense à la pensée, évidemment, dit « non, mais là c'est le moment où on laisse les livres ouverts sur le bureau, on descend dans la rue et on tracte ». Oui, Cynthia Fleury. Mais parce que l'action est aussi une pensée chez Jankélévitch de toute façon. Donc il n'y a pas non plus cette scission énorme entre la pensée et l'action. Et surtout, il a sans cesse écrit précisément cet éthos, cette manière d'être, encore une fois, pour être au monde. Et quand on... Vraiment, il faut le lire pour comprendre, encore une fois, ce qu'on essaye de raconter là. Parce que ça raconte comment on attrape le réel. Et comment, à partir du moment où on attrape le réel, on attrape son sujet, et comment on peut essayer de fabriquer quelque chose avec les autres. Et c'est ça la pensée de Jankélévitch, en tout cas pour moi. Donc vous voyez, c'est jamais un discours sûr. C'est au moment où il pense, il fait, il agit, il dit et quelque chose surgit. Donc c'est cette connivence-là. Et avec les autres, vous dites, ce qui est très important. Toujours avec autrui. Vraiment, en tout cas, bon, il y a un lien indéfectible aux hommes, à l'homme, avec un grand H, mais aux hommes. Parce qu'il passe par la faiblesse des hommes. Il y a vraiment une humilité chez Jean Kelevitch qui est humaniste et qui est essentielle. Donc oui, ça, c'est tout à fait... enfin, c'est extraordinaire. Ouais, mais parmi ses souffrances, il y a quelque chose qu'on ne rappelle pas souvent. Il a beaucoup souffert d'être ignoré, vous savez. Ignoré par qui ? Ignoré par tout le monde. Parce que autant, et aujourd'hui, je pense que... Moi, malheureusement, mon âge me permet de le dire, parce que je l'ai vécu à ce moment-là. Bien heureusement, alors. Bien sûr, bien heureusement. Parce que autant il avait ce charme, ce charisme parmi ses étudiants, autant il était méprisé, ignoré par tous les maîtres penseurs de l'époque. Il en a souffert énormément, de même qu'il a souffert du fait que, après la guerre, tout le monde à la Sorbonne se met à parler en heideggerien, et pour lui c'était la douleur de sa vie. Autant effectivement il a souffert d'être ignoré. C'est-à-dire que la philosophie de Jean Kelevitch, si menue, si attentive aux nuances, c'est une philosophie au scalpel, elle ne pouvait pas tenir devant les rouleaux compresseurs de tous les ismes qui se battaient à ce moment-là. Et en effet, moi je participais un tant soit peu à lui faire publier au Seuil le je ne sais quoi et le presque rien qu'il m'a dédié, où il a commencé ensuite à vendre, et pour lui c'était une merveille. Alors il faut quand même le dire, parce que vous prononcez ces termes, le je ne sais quoi et le presque rien, c'est le titre d'un de ses ouvrages, mais ce sont aussi deux concepts clés. Et on peut peut-être comprendre comment il a pu du coup bousculer une manière de penser qui était de vigueur à l'époque. Hein. Je ne sais quoi et le presque rien, c'est comme ça qu'il qualifie le temps. Le temps, je ne sais pas trop ce que c'est un je ne sais quoi, et ce n'est presque pas une chose, il est toujours légèrement à côté de ce qu'il veut saisir, parce que ce qu'il veut saisir est par définition insaisissable. C'est pas le moindre des paradoxes de sa pensée. Absolument, mais le presque rien, c'est pas rien. Et le je ne sais quoi, c'est pas parce que je ne le sais pas ce que c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est. C'est dans la fuite qu'il faut effectivement saisir les choses. Les choses disparaissent au moment même où on les fait. Jean-Claude, j'ai utilisé une autre expression qui peut mieux vous faire comprendre, c'est l'apparition disparaissante. Ça apparaît, disparaît. Notre vie morale aussi, c'est-à-dire le sourire qu'on doit adresser, ben on ne l'a pas fait. La main qu'on devait tendre, on ne l'a pas tendue. Et pourtant, l'instant d'après, je m'aperçois, j'aurais dû tendre ma main. C'est ça le je ne sais quoi, le presque rien. Il n'y a presque rien dans la morale. La morale de Jean Kelevitch, ce n'est pas une morale qui se pose et s'impose. C'est une morale qui se construit à mesure même que j'agis. Il avait deux ennemis, Jean Kelevitch. Le frivolisme, si je puis dire, la frivolité et l'activisme. C'est-à-dire, le frivole, il fait semblant de faire. L'activiste, il fait pour faire. Alors que le moraliste, et Jean Kelevitch n'est pas un moraliste, je suis obligé d'utiliser ce terme, celui qui travaille dans la morale, disons... Non, mais c'est au sens du siècle précédent, voilà, c'est pas moralisateur. Voilà, pas moralisateur du tout. Il étudie l'âme, voilà. Les passions de l'âme. Voilà, au moment même où il fait, il sait qu'il doit refaire. Rien n'est jamais acquis. Et que rien n'est jamais acquis. Je ne peux pas me poser devant les photographes de la postérité pour dire « Regardez comme je suis courageux ». Ça, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est une philosophie extrêmement exigeante qui a échappé à beaucoup de monde parce qu'elle n'avait pas les origines. Si vous replongez dans les années 50, 60, 70, bah, il y avait Lévi-Strauss, il y avait Marx, il y avait Althusser, il y avait toutes ces discussions. Mais lui, le pauvre Jean Kelevitch, mon Vladimir adoré, mais lui, citait Fénelon, Chestov, Balthazar Gracian, Saint François de Sales. Donc, il était inaudible. Il était inaudible parce que c'était pas le temps de la nuance. C'était le temps des gros concepts qu'on manie avec les grosses mains et les mains de boxe, disait-il. Et vous pensez que le temps de la nuance est arrivé ? J'espère qu'il va arriver. Alors, voilà, effectivement, lui-même refusait même l'idée d'une œuvre figée hein, par rapport aux autres philosophes. Il rejette certains concepts, il rejette les ismes, ça c'est sûr, il rejette les écoles de pensée. Et il dit dans quelque part, dans l'Inachevé, qui est un texte, un recueil d'entretiens magnifique pour rentrer dans l'œuvre de Jean Kelevitch, hein, il parle de son œuvre, il dit « Mon œuvre à moi ne sera une œuvre, si jamais elle doit en être une, qu'après coup. Son accession au statut d'œuvre achevée sera donc dans tous les cas une promotion posthume. » À la rigueur, au plus tôt, sur le point de trépasser, juste un instant avant d'exhaler le dernier soupir, alors on obtient une œuvre, quand presque toute ma vie, sauf justement cette dernière minute, sera déjà au passé, j'aurais eu peut-être une œuvre sans avoir eu le temps d'en prendre conscience. Et la suite dénonce toute cette prise de conscience de l'écrivain qui en fait écrit pour être un écrivain et pas pour écrire. Il y a ce souci extrêmement exigeant d'être soi sans se regarder être soi. Et au fond, le véritable courage consiste peut-être à se défaire de ce regard sur soi pour être, pour agir comme écrivain, comme philosophe, comme être humain, Cynthia Fleury. Oui, non, mais je pense qu'il était les deux, encore une fois, c'est-à-dire très certainement touché par ce manque de reconnaissance, parce que d'abord, la reconnaissance est nécessaire à chacun, et il a d'ailleurs écrit sur la reconnaissance, sur la méconnaissance, sur ces falsifications de la reconnaissance, etc. Et en même temps, heureusement, il avait voilà ce génie-là, à un moment donné, dans l'écriture, de s'échapper, précisément, de créer à la fois la fugacité d'une trace, mais aujourd'hui, précisément, ben, on lui donne une stase, quoi. On en est en train de lui conférer ce que disait Robert tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, il y a une œuvre. Il y a une œuvre chez Jankélévitch. Elle est fondamentale, mais elle est absolument antinomique de toute posture, de toute volonté de faire thèse. Précisément sans les ismes, sans les dogmes, sans tout ce genre de choses, avec une écriture profondément littéraire aussi, parce que c'est ça, hein, les... À la fois orale et littéraire. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même là une intelligence, on appellerait ça aujourd'hui interdisciplinaire, que sais-je, c'est les humanités avec un grand H, quoi, c'est vraiment les arts, la littérature, la musique, enfin voilà, c'était quelqu'un qui... À un moment donné, s'est libéré aussi du corpus académique pour créer ce corpus adapté à ce qu'il essayait de chercher. Alors on a parlé du courage comme occasion à saisir, du courage comme nécessité de l'engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reste un type de courage dont il a parlé, mais il semble le regretter. Écoutez. Je ne sais pas si j'ai parlé du courage d'être soi-même, mais je crois que c'est un peu métaphorique. Et si j'en ai parlé, j'ai eu tort. C'est comme les gens qui parlent de la sincérité avec soi-même, sur des façons de parler... Comme le coucher du soleil est une façon de parler, on dit que le soleil se couche alors que c'est la terre qui tourne. On peut dire que je suis sincère avec moi-même, mais par manière de dire, n'est-ce pas? Parce qu'il manque à cette sincérité l'élément essentiel qui est l'opinion d'autrui, qui est le courage par rapport à autrui. Une sincérité qui n'implique pas de courage, vous me direz, il faut du courage pour s'avouer ce que l'on est. Mais en réalité, je le sais ce que je suis. Donc il n'y a pas de courage spécial à le reconnaître ou à le professer, je sais déjà. Alors, je sais déjà ce que je suis, mais le courage consiste à agir ou prendre en compte ce qu'il appelle l'opinion d'autrui, pas la nôtre que nous jetons sur nous-mêmes, nous contemplons en train d'être philosophe ou en train d'être être humain, mais la place d'autrui dans l'action. Comment est-ce qu'on concilie les deux, Robert Maggiore? Écoutez, là, il faudrait un long discours, et on peut le dire de façon tout à fait simple. Jankélévitch est un philosophe extrêmement exigeant. Je crois qu'on, si on lit toute l'œuvre, je défie quiconque de lire la philosophie première et de sortir de là en disant Jankélévitch, c'est ce philosophe qui parle de l'amour, du printemps, du charme, c'est gentil, qui est une image de lui qui a couru d'une certaine manière. Qui est aussi vrai, mais qui est aussi vrai. Mais l'exigence de Jankélévitch tient justement à autrui, au sens où, comme Lévinas. Un jour, on reviendra sur le rapport ou non-rapport entre Lévinas et Jankélévitch. On en parlera sans doute demain, sur le pardon. Voilà. Pour Jankélévitch, il y a quelque chose de simple à comprendre. La morale, c'est l'affirmation de la préférabilité d'autrui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, la préférabilité d'autrui? Ça signifie que l'amour n'est amour que s'il contient le moins possible de philotie, comme il disait. C'est quoi la philotie? Philotie, c'est l'amour de soi-même. Oui, comme dans philosophie, philein, aimer, autos. Pour aimer l'autre, il ne faut pas trop s'aimer soi-même. Si on s'aime soi-même, ça tout le monde comprend. Si j'aime trop moi-même, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Mais prenez la question à l'envers. Pour aimer l'autre, il faut que je sois le moins possible amoureux de moi-même, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est là que ça devient insupportable comme tension. Il faudrait à la limite que je disparaisse, que je sois presque rien. Pour aimer totalement l'autre. Mais si je disparais, il n'y a plus de sujet aimant. Si au contraire, je suis trop un égo boursouflé, gigantesque, etc., j'étouffe l'autre, et donc il n'y a plus d'objet à aimer. Dans un cas, il n'y a plus de sujet qui aime, et de l'autre côté, plus de sujet aimé. Il faut faire tenir, disait-il, le minimum d'être dans le maximum d'amour. Ben, si on applique ça au courage, à la sincérité, à toutes les autres vertus, vous verrez combien c'est difficile, combien la morale de Jankélévitch est dure à tenir. parce que précisément tout dans notre société a concouru à faire que l'ego gonfle par lui-même, quoi. Et par conséquent, je ne parle même pas de société narcissique comme on le faisait, mais on est quand même très attaché à soi-même, quoi. Donc plus on est attaché à soi-même, moins on peut aimer. Mais comment être moins attaché à soi-même? Vous voyez, là, ça devient extrêmement difficile. On le comprend quand il s'agit juste de dénoncer de l'égoïsme ou des attitudes égocentriques. Ça, on peut le comprendre. Ou le fanatisme de l'ego, comme on voit chez certaines personnes. Mais le fait de tenter d'être le moins possible pour qu'il y ait le maximum d'amour, ça, c'est extraordinaire. Mais les pages, je le répète, de façon péremptoire, d'ailleurs, contrairement à l'esprit jean-kélévitchien, dont je voudrais bien qu'il soit le mien, que je ne comprends pas comment des philosophes peuvent écrire sur l'amour aujourd'hui sans avoir lu Jean-Kélévitch. Parce que ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire, là? Je veux dire qu'il faudrait qu'il y ait une sorte d'humilité et une vraie lecture du Traité des Vertus pour se dire, mais cet homme-là, il a tout compris, il nous a donné une tâche infinie. Eh ben ça, de l'amour, on en parlera vendredi prochain. Merci pour le teaser, Robert Maggiori. Cynthia Fleury, sur cette idée, sur le rapport à autrui dans le courage. Le courage d'être soi-même, c'est métaphorique, dit-il, parce que finalement, être soi, c'est secondaire par rapport à accueillir l'autre. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais c'est-à-dire que, encore une fois, au moment où vous faites un acte courageux, vous récupérez du sujet. Donc, il ne s'agissait pas d'être courageux pour récupérer du sujet, parce que ça n'aurait pas fonctionné. C'est-à-dire quoi, récupérer du sujet? Son sujet? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la vérité d'ailleurs, hein. On a une illusion. On a une illusion de sujet. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une enveloppe corporelle, je dirais, qui fait qu'on se dit, ah ben tiens, voilà, je vois tel sujet et donc il est bien là. Et en fait, non, nous ne sommes pas là. Comme disait Jean-Kélévitch, la majorité du temps, c'est un « on » qui nous traverse. Il n'y a pas de « je », il n'y a pas de « tu », il n'y a pas de « il » même, il y a du « on ». Il y a du « on », c'est le viatique classique, et on vit sans vivre, quoi. Et on se met en pilotage automatique, etc. Et précisément, le sujet surgit dans l'acte courageux, et là, tout d'un coup, on découvre qu'il y avait un sujet. Et donc, cette découverte du sujet fait, je pense aussi, l'apparition disparaissante. Je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une immense humilité par rapport à ça, et qu'il a bien conscience que ce sujet, dès que l'on dit et redit qu'il y a du sujet, en fait, on tombe dans la parodie, mais en même temps, c'est un irréductible, hein. Donc régulièrement, il disait que pour donner quelque chose, il fallait aussi garder un irréductible. Je sais que c'est compliqué parce que c'est nuancé, mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est dans la posture d'une disparition totale. Hein. Non, mais nous aide-t-il, par exemple, à retrouver le courage? J'y reviens, puisque vous avez travaillé notamment sur cette question-là, Cynthia Fleury, de la fin du courage. Est-ce que tout ce que dit Jean-Kélévitch du courage peut nous indiquer un chemin, nous aider à trouver ou retrouver le courage quand on l'a perdu? Ah oui, je pense. Et puis, alors d'abord, valeur cardinale, hein, chez lui, donc c'est comme ça qu'il le disait. Donc c'est pas du tout la plus haute, c'est presque la plus basique, c'est-à-dire c'est celle qui rend opérationnelles les autres vertus. Vous voulez être juste, il faut être courageux, vous voulez aimer, il faut être courageux, vous voulez ceci, nanana, il faut être courageux. Donc c'est le moteur premier. Et ensuite, il n'y a pas un seul chemin, il y a 1000 chemins possibles, mais en revanche, il faut une conscientisation de l'instant et de la nécessité d'attraper cet instant. Donc grâce et état de grâce, il faut les deux. Et sans cesse, et hein, moi j'ai fait un livre qui s'appelle « Les irremplaçables », c'est-à-dire je ne suis pas remplaçable sur ce coup-là. Je ne peux pas déléguer à autrui le fait d'être courageux à ma place ou de saisir l'instant à ma place. Donc, c'est une obligation, c'est une endurance, c'est une manière d'être au monde. Et tous ceux qui pensent, encore une fois, que le courage est inné, etc., ben je pense que ça les rassure sur le fait que pas du tout. Le courage, il part de la peur, il part même généralement du découragement. Pour ne plus être découragé, commençons par lire Jean-Kélévitch. Vous en avez donné très envie, en tout cas tous les deux, Robert Maggiori et Cynthia Fleury. Merci beaucoup d'être venus en parler aujourd'hui. C'était « Avoir raison » avec Jean-Kélévitch. Deuxième temps demain, après le courage aujourd'hui, le pardon. En compagnie de Joël Ancel et de Laure Barillas. Merci à Nicolas Berger, Bernard Laniel et Marie Aubert.